Merci de nous rester fidèles, madame, monsieur. Bienvenue à l'écoute de cette édition. En voici d'abord le sommaire. Hausse du prix d'un kilogramme de sucre passant de 3300 à 8000 francs burundais. Dans cette édition, vous aurez la réaction des citadins, des explications de l'administrateur directeur général de la société sucrière de Mososo Sumo et un commentaire de l'association burundaise des consommateurs à Buko. Ouverture solennelle ce lundi de l'année scolaire 2024-2025 à Rumonge au lycée communal Al Maktoum. À cette occasion, la Fédération des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, demande aux hommes politiques de se garder de distraire la jeunesse scolarisée au moment où les élections législatives approchent. Début ce lundi des travaux préliminaires vers la réhabilitation et la reconstruction de l'ancien marché central de Bujumbura par la société Ubaka Nation. Vous aurez également la réaction des citadins dans cette édition mise en onde par François Akiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les enseignants partant à la retraite ou démissionnant pour diverses raisons seront remplacés à parité par des enseignants redéployés et nouveaux. Cette déclaration est de François Havyarimana, ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique ce lundi à Rumonge, à l'occasion de l'ouverture solennelle de l'année scolaire 2024-2025. Il a en outre annoncé l'intention de multiplier les écoles à régime d'internat au Burundi et cette année commence avec l'ouverture de deux écoles à régime d'internat en province Makamba, une correspondance signée Jean-Pierre Misago. C'est dans l'optique d'alléger la souffrance des enseignants redéployés que ces derniers regagneront progressivement leurs origines en raison de 50% des enseignants partis à la retraite ou démissionnant pour diverses causes, a déclaré François Jalimana, ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, précisant que les 50% restants à remplacer seront occupés par les chômeurs. Selon cette autorité ministérielle, c'est une activité qui se fera en téléphonant directement au ministère par celui ou celle qui le désire sur un numéro de téléphone qui leur sera communiqué et cela dans l'optique d'éviter qu'il y ait des commissionnaires qui s'interposent. Cependant, prévient le ministre François Jalimana, ceux-là qui regagneront leur région d'origine seront affectés là où le besoin en enseignants se fait sentir, pas nécessairement dans les villes ou les centres urbains. Le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a saisi cette occasion pour annoncer l'intention du gouvernement burundais de multiplier les écoles à régime d'internat. Deux nouvelles écoles à régime d'internat ont été ouvertes en province Makamba et les anciennes écoles seront réhabilitées et dotées de véhicules. La représentante de l'UNICEF au Burundi a déclaré que cette organisation disponibilise plus de 3 600 000 cahiers en appui aux efforts du gouvernement et les parents. Des cahiers dont la distribution a d'ailleurs commencé et plus de 300 enseignants et responsables scolaires seront formés dans la lutte contre la propagation de la variole du singe. De son côté, la Chine, à travers son ambassadrice au Burundi, a contribué à la hauteur de 500 tonnes de riz aux écoles à régime d'internat et le lycée Rumonge a eu sa part. Notons que les 5 meilleurs élèves des 5 nouvelles provinces plus un Moutoua qui a obtenu la meilleure note au concours national ont été primés. Jean-Pierre Misago, depuis Katete, Radio Isanganiro. La Fédération des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, demande aux hommes politiques de se garder de distraire la jeunesse scolarisée au moment où les élections législatives se dérouleront au cours de l'année scolaire qui débute. Dans une déclaration de ce lundi. Antoine Manouma, président de cette fédération, demande en outre l'augmentation des manuels scolaires, du personnel et de son pouvoir d'achat suivi. L'année scolaire commence dans une période préélectorale et bientôt c'est la période électorale. La Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, demande aux politiciens et politiciennes de se garder de distraire la jeunesse scolarisée. Sa place est à l'école et non à la politique. Qu'ils se rappellent que les écoles sont des milieux apolitiques. Les responsables scolaires et les personnels du secteur de l'éducation doivent se garder d'alimenter les divisions et des heurts liées à la diversité politique. Les conditions favorables au développement des enseignements et à l'amélioration de la qualité des apprentissages sont, entre autres, la construction de nouvelles salles de classe pour désengorger les classes pléthoriques. Nous sommes conscients que les efforts ont été déjà fournis avec la réhabilitation des infrastructures scolaires et les nouvelles constructions. Mais les salles de classe restent insuffisantes. L'augmentation des bancs pupitres dans le but de permettre aux apprenants de s'asseoir confortablement. La fourniture du matériel et des supports pédagogiques suffisants et atteint aux enseignants et apprenant le recrutement des enseignants suffisants en faveur des écoles qui en ont besoin. La mise en place d'une politique salariale qui indexe les salaires au coût de la vie parce que la hausse des prix des denrées de première nécessité rend la vie des travailleurs du secteur de l'enseignement insupportable. La facilitation du déplacement des enseignants et apprenants dans le contexte de la pénurie du carburant pour leur permettre d'être ponctuels à l'école. Les mesures adéquates afin de maintenir les enfants à l'école, aux enseignants et aux autres personnels du secteur de l'éducation, nous demandons de rester courageux et au service de la nation. Les enseignants et autres personnels du secteur de l'éducation doivent garder à l'esprit que leur dignité dépendra d'eux-mêmes s'ils restent solidaires. Le prix du sucre par kilogramme a été revu à la hausse, passant ainsi de 3300 francs burundais à 8000 francs burundais selon la structure de prix du sucre Sosumo du 14 septembre. Le mois en cours, l'administrateur et directeur général de la Sosumo et le président du conseil d'administration ont expliqué que ce nouveau prix est fixé en vue d'ajuster les prix de vente du sucre Sosumo au prix du marché actuellement pratiqué par les commerçants privés. Et les habitants de la mairie de Bujumbura disent être déconcertés par cette hausse du prix du sucre. Ils déplorent malheureusement la non-disponibilité des produits, même si l'on a augmenté les prix, et demandent avec insistance au gouvernement de revoir à la baisse ce prix. Suivez ce micro-baladeur. Cette mesure est choquante surtout pour les populations à faible revenu dans son contexte où la population burundaise mène une vie difficile suite à la cherté de la vie. Ce qui est encore choquant, c'est que le gouvernement empire la situation par l'augmentation des prix de différents produits au jour le jour, comme le cas du sucre, à plus de 50%. Le risque est que les gens pourront chercher des voies illégales de trouver de l'argent pour faire face à cette cherté de la vie. Le problème est qu'ils augmentent le prix alors que le sucre reste toujours rare. Toutefois, vu la situation socio-économique de la population burundaise, peu de gens seront capables d'acheter un kilo de sucre à 8000 francs brou, alors que même à 3500 francs brou, c'était difficile. Pour mon cas, je ne serais pas en mesure d'avoir 8000 francs pour acheter un kilo de sucre. On demande au gouvernement de revoir son prix pour réduire l'écart entre les riches et les pauvres. Cette hausse du prix du sucre a été motivée par la nouvelle ordonnance portant libéralisation du commerce de ce produit, mais aussi par les coûts de production de ce produit qui ont augmenté, a annoncé ce lundi l'administrateur et directeur général de la société sucrière de Mosso dans un point de presse. Le général-major Aloïse Ndeikengurukiy admet que le pouvoir d'achat de la population reste pris en compte, estimant que le nouveau prix va diminuer des spéculations liées à la commercialisation de ce produit. On écoute ses explications et répond aux questions d'Alain Désiré Boukénez. On s'est référé à l'ordonnance ministérielle qui autorise la libéralisation de la commercialisation du sucre. Une autre motivation, c'est qu'au niveau de la Sosoumou, le coût de production a beaucoup augmenté. Parce que le matériel que nous utilisons, les intrants qui entrent dans la production du sucre, vraiment les prix ont largement augmenté. Une autre motivation, c'est aussi s'aligner au prix pratiqué par ces importateurs. Parce que circuler en ville, vous trouverez que dans les différents magasins, le prix du sucre est aussi autour de 8 000 à 12 000 francs. Avec la libéralisation, certains espéraient que le prix du sucre connaîtra une baisse, mais pourquoi ça n'a pas été le cas? C'est pas dire que effectivement avec la libéralisation c'est seulement le prix, c'est aussi la disponibilité même du produit. C'est-à-dire que effectivement au niveau de la Sosoumou, on ne parvenait pas à produire une quantité suffisante pour satisfaire la demande locale. C'est pourquoi l'État a pris cette mesure d'autoriser les autres commerçants d'importer. Est-ce que vous avez pris en compte le pouvoir d'achat de la population? Effectivement, on a pris en compte le pouvoir d'achat de la population, mais vous remarquerez qu'effectivement, compte tenu de la conjoncture économique, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international, les prix ont largement augmenté. Ce n'est pas seulement le sucre. Ne trouvez-vous pas qu'il y aura risque d'abandon de ce produit par certains? On va apprécier sur terrain, mais je pense que les gens ne vont pas abandonner. Peut-être ceux qui vont abandonner, ce sont les spéculateurs. Mais les vrais commerçants, ils vont vendre le sucre parce qu'on a aussi revu à la hausse la marge bénéficiaire de ces commerces. Quel devient alors le rôle de l'État pour protéger le consommateur? Au niveau de la libéralisation, effectivement, les prix diffèrent suivant le coût, soit d'importation ou le coût de production. Mais l'État garde effectivement son rôle de suivi, de contrôle pour qu'il n'y ait pas d'exagération. Réaction cette fois-ci de l'Association burundaise des consommateurs à Buko, qui n'a pas bien accueilli cette mesure de revoir à la hausse le prix du sucre. Noël Nkurunziza, secrétaire général et porte-parole de cette association, précise que cette hausse ne vient pas faciliter la vie du consommateur. Il indique que cette hausse arrive dans une situation qu'il ne fallait pas au moment où les enfants commencent les cours. La Buko propose la revue à la baisse de cette mesure pour aider les consommateurs suivis. Il n'y avait jamais eu une hausse qui va à plus de 150%, comme on le constate aujourd'hui. Et c'est une hausse finalement qui n'a pas tenu compte de la réalité des consommateurs. Nous entendons dans les arguments qu'ils ont voulu ajuster le prix aux opérateurs privés qui exercent dans le secteur. Mais nous pensons que l'État et les commerçants n'ont pas les mêmes missions parce que l'État doit protéger le consommateur, doit protéger le citoyen et à un certain moment même, il doit faire des efforts, consentir des efforts pour ne pas hausser les prix, peut-être n'importe, sans beaucoup de raisons. Il faut vous dire que c'est une hausse qui arrive effectivement dans une situation où il ne le fallait pas, parce que ça coïncide avec la rentrée scolaire où c'est au moment où les enfants ont besoin du sucre, ont besoin du petit déjeuner pour aller à l'école. Et on le voit, une telle mesure, le prix du sucre. Au moment où le carburant commençait à être disponible, les cœurs des consommateurs allaient s'apaiser. Et voilà qu'on bombarde avec une hausse à telle hauteur du prix du sucre. Nous pensons que c'est une hausse qui devait être revue, qui devait être réanalysée par le gouvernement, d'autant plus qu'il aura des conséquences sur les enfants, sur les malades. Et surtout que le sucre aujourd'hui, c'est aussi un produit de base pour certains denrées, les jus, les beignets, le pain et d'autres. Nous proposons donc la révision en baisse, sinon garder le niveau des prix là où ils étaient et l'effort du gouvernement devait être finalement sensible pour protéger nos citoyens. La dernière hausse du prix du sucre Sosoumou date de juillet 2023. Les travaux préliminaires pour la construction du nouveau complexe du marché central de Bujumbura ont débuté ce lundi à l'ancienne place par la société Waka Nation. Au cours d'une conférence de presse de ce lundi, Fabrice Manirakiza, président de ce groupe, a indiqué qu'il prévoit utiliser plus de 500 milliards de francs burundais pour la construction de ce centre commercial et appelle les investisseurs à contribuer pour la réussite de ce projet. Et des citadins saluent le début de ces travaux. le point avec Sheila Irambona. C'est à 10h du matin que des travaux préliminaires pour la construction du marché central de Bujumbura ont débuté, rehaussés par la présence du ministre des Travaux publics ainsi que le représentant légal de Ubaka Nation Group. Ces travaux ont débuté après une visite des lieux de l'ancien marché central de Bujumbura et au cours d'une interview accordée à la presse, Fabrice Manela Kidza a indiqué que ces travaux préliminaires vont durer un mois et que la construction de tout le marché va exiger une somme avoisinant les 500 milliards burundais et d'appeler les investisseurs burundais à contribuer dans ce projet. Nous avons considéré qu'une action équivaut à ça 3 000 francs bon, 103 dollars en devise. C'est une façon d'attirer les investisseurs pour qu'ils puissent investir. Que les gens comprennent que ce n'est pas un fonds du gouvernement, c'est un fonds de tous les Burundais. Les travaux du marché central de Bujumbura vont être financés par ce fonds. J'invite tous les Burundais à investir massivement. Un appel également lancé par certains habitants de la capitale de Bujumbura. Nous savons qu'il y a des investisseurs au Burundi. Nous leur disons de ne pas se mettre des bâtons dans les roues et qu'ils investissent dans ce projet. Nous plaidons à ce que même les autres travaux de construction en suspens soient autorisés à se poursuivre pour que nous ayons du travail. Ce groupe Ubaka Nation prévoit de construire ce centre commercial pendant une durée de 6 à 8 ans. Radio Isanganiro, chronique sport. Un entraîneur de gardien de but, avant de commencer son métier, doit bénéficier de la formation dispensée par la Fédération burundaise de football, FFB, en collaboration avec la FIFA. Mido Hassan, vice-président de l'Association burundaise des gardiens de but, fait savoir que lorsqu'un entraîneur de gardien de but commet des fautes, il est puni conformément aux lois régissant le football. La chronique sportive de ce lundi avec Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Un entraîneur de gardien de but doit bénéficier des formations dispensées par les experts dans le football avant d'être intégré dans le corps des entraîneurs. Explication de Amidou Hassan, vice-président de l'Association burundaise des gardiens de but. Pour qu'un entraîneur soit admis dans une équipe quelconque, il doit avoir une formation, bien sûr, parce que c'est pas du hasard, comme on l'a bien précisé. Un entraîneur, c'est quelqu'un qui est garant, qui est là, qui comprend, qui prépare, qui pense. Donc, il doit avoir de formation. Cet encadrement a officiellement été initié en 2013 au Burundi par un entraîneur allemand qui a entraîné une quarantaine d'entraîneurs et de gardiens de but. Au Burundi, je me rappelle bien, ça a commencé de 2013 hein, officiellement parce qu'il y a un entraîneur allemand qui encadrait les jeunes de moins de 17 ans, de moins de 20 ans, qui avait opté bien sûr à faire un appel à un entraîneur allemand qui s'appelle Lutz, venait du Stade d'Offenheim. Il a passé un séjour au Burundi, il a formé quelques entraîneurs, une quarantaine des entraîneurs. Je me rappelle bien, il y avait d'autres deux, un secrétaire FIFA qui sont passés aussi chez nous pour faire des encadrements. À part ça, on avait eu quelques recyclages de la part du bureau technique du Burundi. À part ça, il n'y a pas d'autres formations jusque là. Mais on demande à ce que ça soit multiplié. Il faut que nous ayons plus de formations, plus de recyclages pour qu'on puisse savoir où on est actuellement, où on veut arriver bien sûr dans le futur. Le vice-président de l'Association burundaise des gardiens de but fait savoir qu'aucun âge n'est exigé pour devenir un gardien de but. Un entraîneur d'un gardien de but, ça ne demande pas de l'âge pour qu'il puisse être entraîneur parce qu'il peut jouer une dizaine d'années et dire moi je vais stopper, je vais embrasser la carrière d'un entraîneur de gardien de but. Et là, il peut commencer avec les minimes, les cadets, les juniors, ou pourquoi pas les seniors, ou même combiner le tout. Ça demandera bien sûr une bonne formation qu'il a reçue de la part de ses formateurs, que ce soit de la FFB ou ceux qui viennent bien sûr de l'extérieur, c'est-à-dire les instructeurs FIFA, et qui viennent de temps en temps nous encadrer. Quand un entraîneur des gardiens commet des fautes, il est sanctionné conformément aux lois régissant au football, ajoute-t-il. Il peut arriver qu'un entraîneur soit fautif. S'il est fautif, bien sûr, il y a un code disciplinaire de la FFB qui le cadre, bien sûr. Et à part ça, on observe souvent quelques carton jaune, carton rouge durant le match. Et d'autres problèmes qui se posent surtout, c'est un entraîneur de champ qui n'a pas une bonne relation avec un entraîneur de gardien de but. Souvent, on remarque ça. Amidou Hassan précise en outre qu'un entraîneur est révoqué dans le corps d'arbitrage si une fois il viole les lois régissant cette discipline. C'est par ici que je mets un point final à cette édition. Merci de nous avoir prêté oreille attentive. Au revoir. Thank you.